DJ Kay sur Skyrock. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvolduk. Seni giden de kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderin püsküllü bela ya kararsan. Dansant sur ce petit champ de mine comme Richard, tu sais que je vise dans le mille. T'as pris tellement à côté de devenu jardinier. C'est le dîner de convient que t'invites à dîner. Rail suprême sur Skyrock. Brut à fond plus jamais. Baguette de vie de la terre de Pamplechon la glace. À cosplay, pas mon sympa terme bâtiment. Le sixième étage, mon trône enfile des perles. Je sais faire avec la petite cuillère. Mais quand je marche à Yep, soudain tu décélères. Tu décélères avant que ce SLR. Et dans ton bled, tout le monde m'appelle déjà. Happy Bee, Happy Bee.

menotté, menotté. Menotté, menotté. Menotté, menotté. Menotté, menotté. À Paname tous menottés, à Sanas tous menottés, à Tenant tous menottés, menottés, menottés, Montpellier tous menottés, à Marseille tous menottés, à Toulouse tous menottés, menottés, menottés, dans le 5-9 tous menottés, dans le 6-9 tous menottés, à Strasbourg tous menottés. Passez une bonne soirée sur Skyrock le dimanche soir. C'est DJ Kayz au contrôle de Rise Suprême. Et comment on se régale? Ah, c'est bon, on est bien. Mm-hmm. Et ça va continuer surtout. Bien sûr. Et ça continue aussi en soirée. Est-ce que tu as des soirées bien enfin annoncées? Oui, bah oui, oui. La dernière fois, j'avais un petit oubli. Ouais, ouais. Le booker, il était pas trop dispo pour m'annoncer les dates. Donc le 8, je suis à Saint-Quentin, c'est dans le Nord, à l'Unique Discothèque. Et le 9 avril, c'est au Patio à Compiègne. Voilà, dans le 60. Direction l'Oise, direction. Direct, l'Oise et le Pas-de-Calais ou je sais non, pas. Non, on dit le Hauts-de-France. Hauts-de-France. Hauts-de-France, ah, c'est la nouvelle d'accord. région. D'accord. Et Bas-de-France, Hauts-de-France. Hauts-de-France. Pour l'instant, on reste en haut. L'alcool, c'est de l'eau, alors. Voilà, c'est reparti aussi avec modération, évidemment. Toujours. C'est parti pour une nouvelle session de Rise Suprême. Allez, on y go. Allez, go. Je n'oublierai jamais Rise Suprême, minuit, deux heures. Avec Fred et DJ K sur Skyrock. N'oublierai jamais tes jolies lèvres. Je me souviens, je t'ai vu entrer dans la boîte. Je me souviens, je t'ai vu danser toute la night. Danser toute la night. Je t'ai vu, je te veux, je t'aurai. Je t'ai vu, je te veux, je t'aurai. Pour la vie à mes côtés. Je l'ai vu, je la veux, je l'aurai. Je l'aime, je l'aurai pour la vie à mes côtés. Je t'ai vu avant lui, t'es à moi pas à lui. Il aime te voir danser, je ne peux te partager. J'ai tigné à l'air flow et à mes bénis, je m'en ai délai. Minuit, 2h, DJ Kayz ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. T'aimes les chiffons, les gros bolides, arrête ça. Provoquer les torticolis, arrête ça. Quand tu marches, tout le monde te valide, arrête ça. Ton talent, c'est ta pyramide, arrête ça. Quand j'ai la balle, ils font des appels. Meneur de jeu, c'est moi qui distille. Quand j'avais la dalle, tu faisais la belle. Maintenant tu m'appelles, tu dis que j'ai du style. Rien n'est trop beau pour toi. Tu aimes les voir se sacrifier. Rien n'est trop cher pour toi. Combien tu t'appelles? Mais dis-moi combien tu t'appelles? Combien

Barbe mon imago. Fikiti, à la shit, mele. Fikiti, fikiti, à la shit, mele. Oya show, akawara. Alla bebe bea hazara. Oya show, akawara. Ali yomba tibe la fes. Fujire, oya sfero barbe yekeme. Birim, ho, la pechebe. Oya kolo kusu kusu salama la bouye. Oya hakile lini fi. Oya hakile lini fi. Oya hakile lini. Sur Skyrock.

Bientôt le collège. Au bientôt le collège. Quoi, même ma bonne épée bien boue à bon fia. A hop promo yen yen abu huntia. Oya wa tam for jano manimbia. Yambu amu amu sina bon pia. Se wupe moa no meni na edi. Nana yameni awakano ne bebe mo. Se wuma usa swabi pony ne tutu. So my body don't lose God, can't walk for my door, yeah. Everybody sing it, hallelujah, yeah. Hallelujah, yeah. Everybody sing it, hallelujah, yeah. Hallelujah, help me sing, oh, oh, yeah. Sing on oh yeah, yeah. I say help me sing, oh, yeah. Oh yeah, yeah. Skyrock, Bagaille Suprême. Je vais la main dans le carré, vite. Toujours accompagné de mon équipe. Oui, mon équipe est de jolies filles, des gros bonnets dans des palais. Oui, je fais la main.

hein. Aïe. Parfumé jusqu'aux pieds, bijoux en top, non. C'est pas grave. T'as mis les chaussures croco mais sans chaussettes, hein. Ça c'est grave, ça c'est grave, ça c'est grave, ça c'est grave. Près des DJ K sur Skyrock. DJK sur Skyrock. Oh,

sens chez moi quand tu promets ton labrador. Monica, on y va. Monica, on y va. Monica, t'es si jolie. Monica, nouvelle Monica. Refais-toi, Monica. Et seulement sur Skyrock. Monica. Déjà la fin de ce Rail Suprême, DJ Case, yes, comme le temps passe vite. Bah avec oui, toi. Ouais, ouais, mais on se régale ici, on se régale avec Fabien, il y a des danseurs, il y a de la chicha. Des danseuses. Des danseuses. On les attend. Voilà, exactement, on a vu que vous étiez nombreux ce soir, on s'est bien régalé avec le hashtag Rail Suprême. Voilà, n'hésitez pas à envoyer aussi vos messages, les musiques que vous voulez écouter, nous on est en direct, donc n'hésitez pas et on applique quand on peut. Tu reviens la semaine prochaine? Je reviens la semaine prochaine. Entre temps, lui, je suis à Saint-Quentin, c'est à l'Unique Discothèque. Et le 9 avril, samedi, c'est au Patio à Compiègne. Donc voilà. Pour faire la fête avec DJ Case, n'hésitez pas. Et dimanche prochain, Rail Suprême. Aïe. Merci à toi. Bisous. Ciao, ciao. Passez une bonne soirée. C'est reparti, le son sur Skyrock. Tous les matins. Good morning show. Diffoul et Romano te réveillent en direct.